Chapitre 45 Des essais de montagne Livre 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Hassan Ahmed. Essayé par Michel Écuyem de Montagne Livre 1 Chapitre 45 De la bataille de Dreux. Il y eut tout plein de rares accidents en notre bataille de Dreux, mais ce qui ne favorise pas fort la réputation de M. de Guise. Mettre volontiers en avant qu'il ne s'est pas excusé d'avoir fait halte et temporisé avec les forces qu'il commandait, cependant qu'on en fasse soin M. le connestable, chef de l'armée, avec l'artillerie, et qu'il valoit mieux se hasarder prenant l'ennemi par flanc qui attendant l'avantage de le voir au quai souffrir une si lourde perte. Mais autre ce que l'issue en témoigna, qui en débattra son patio, mais confessera aisément, à mon avis, que les buts et la visée, non seulement d'un capitaine, mais de chaque soldat, doit regarder la victoire en grand, et que nulles occurrences, quelque intérêt qu'il y ait, ne le doivent divertir de ce point-là. Philopoémon, on a rencontré de Machanidas, ayant envoyé devant pour attaquer l'escarmouche, bonne troupe d'archers et gens de traite. Et l'ennemi, après les avoir renversés, s'amusant à les poursuivre à toute bride, et coulant, après sa victoire, les longs de la bataille, où est-ce-toi, Philopoémon? Quoique ses soldats s'en émoussent, il ne fut d'habit de bouger de sa place, ni de se présenter à l'ennemi pour secourir ses gens, et les ayant laissés chasser et mettre en pièces à sa vue, commencia la charge sur les ennemis au bataillon de leurs gens de pied. Lorsqu'il les vit tout à fait abandonnés de leurs gens de cheval, et bien que ce fût lacédémonien, d'autant qu'il les prit alors que, pour tenir tout gagné, il commençait à se désordonner. Il en vint aisément à but et, sous l'affect, se met à poursuivre Machanidas. Ce cas est germain à celui de M. de Guise. Et c'est après bataille d'Agésilence contre les Béotiens que Xénophon, qui est-toi, dit être la plus rude qu'il eût encore vue. Agésilence refusa l'avantage que Fortune lui présenta de laisser passer le bataillon des Béotiens et les charger en quai quelques certaines victoires qu'il en prévit, estimant qu'il y avait plus d'art que de vaillance. Et pour montrer sa prouesse d'une merveilleuse ardeur de courage, choisit plutôt de leur donner aux têtes. Mais aussi fut-il bien battu et bien blessé, et contrat enfin de se démêler et prendre le parti qu'il avait refusé au commencement, faisant ouvrir ses gens pour donner passage à ce torrent de Béotiens. Puis, quand ils furent passés, prendre garde qu'ils marchaient au désordre comme ceux qui coûtent bien être hors de tout danger, il les fit suivre et charger par les flancs. Mais pour cela, nous les peut-il tourner en fuite à Val-de-Ruth. Et se retirer le petit pas, montrant toujours les dents jusqu'à ce qu'ils se fût rendus à Sevetet. Fin du chapitre 45.